programme. Ouais, donc est-ce que c'est possible d'écouter la radio à la télé? Faut avoir du bon matériel pour pouvoir écouter la radio à la télé. Quoi comme matos alors? Bah, y a certains trucs. Toi, tu dégages parce que tout à l'heure, je vais t'éclater. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu dégages. J'ai rien fait. Tu dégages de là. Je suis bien là. Je pas bien. Tu dégages. Bah, je suis assis. Ouais. On verra, t'écoutes un peu son voilà. Tabata, conclusion. Allô? Non, de toute manière, c'est fini. Non, il n'y a plus de questions. De quoi? Alors, vas-y. Quoi? Ouais, d'accord. Je crois que ta question, elle a ni queue ni tête comme toi. Ginny. Parlez pas tout en même temps. Oh, Tabata!